Mama, sabale, sabale, tanta. 1937. Maîtrise, maîtrise, maîtrise. Jeune Déco, à Wangle. Jeune à Paris. Seguia. Maîtrise. Et avec us. Et avec us.